بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحن في صدد ترجمة كتاب الملخص الفقهي، وتوقفنا عند باب في آداب قضاء الحاجة. Donc nous sommes toujours dans la traduction du livre الملخص الفقهي de Cheikh Fawzan حفظه الله. On s'est arrêté donc au chapitre sur le comportement adopté lorsque l'on va faire ses besoins. فيقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه. Donc sache qu'Allah t'accorde la réussite ainsi qu'à moi-même et ainsi qu'à tous les musulmans, que notre religion est complète et parfaite. Elle n'a pas laissé une chose dont les gens ont besoin sans nous l'avoir montré. Et que ce soit pour les choses de notre religion ou pour les choses de ce bas monde. وَمِنْ ذَلِكَ أَدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. Parmi ces choses-là, donc, le comportement adopté lorsque l'on fait ses besoins. لِيَتَمَيِّزَ الْإِنسَانُ الَّذِي كَرَّمَهُ اللَّهُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِمَا كَرَّمَهُ اللَّهُ بِهِ. Donc pourquoi ? Pour qu'on se différencie des animaux avec la chose qu'Allah, parce que l'être humain a été honoré, l'être humain a été honoré par rapport aux animaux. فَدِينُنَا دِينُ النَّظَافَةِ وَدِينُ الطُّهُرِ فَهُنَاكَ آدَابٌ شَرْعِيَّةٌ تُفْعَلُ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَحَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَحَالِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. Donc, et parmi ces choses-là, donc, le comportement à adopter lorsque l'on fait ses besoins. Donc, il y a des comportements qui ont été légiférés, qui doivent être faits lorsqu'on rentre dans l'endroit justement où on va faire ses besoins, et le comportement à adopter pendant que l'on fait ses besoins. فَإِذَا أَرَادَ الْمُسْلِمُ دُخُولَ الْخَلَاءَ وَهُوَ الْمَحَلُّ الْمُعَدُّ لِلْقَضَاءِ الْحَاجَةِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ أعوذ بالله من الخبث والخبائث. Donc si une personne souhaite entrer donc dans le plus commun aujourd'hui, les toilettes, mais un endroit pour faire ses besoins, et dans ce cas-là, il est recommandé, c'est pas obligatoire, il est recommandé de dire Bismillah, أعوذ بالله من الخبث والخبائث. Donc au nom d'Allah, je demande protection d'Allah contre toutes les impuretés. Donc ça a été traduit aussi par les djinns. Je demande protection auprès d'Allah contre les djinns mâles et femelles. وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَالَ الدُّخُولِ. Et lorsqu'il rentre dans cet endroit-là pour faire ses besoins, il entre du pied gauche. وَعِنْدَ الْخُرُوجِ يُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. Et lorsqu'il sort de cet endroit d'où il a fait ses besoins, il sort du pied droit. وَيَقُولُ غُفْرَى لَكَ الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. Il doit aussi recommander de dire غفرانك, nous demandons pardon. Louange à Allah qui nous a fait partir ses impuretés et qui m'a préservé dans ma santé. وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. Donc pourquoi on fait ça? On rentre du pied gauche et on sort du pied droit. Donc on dit, en général, on utilise la main droite. La droite, en général, que ce soit la main ou le pied, on l'utilise pour les bonnes choses. Les choses qui ont de l'honneur, qui sont bonnes. Et on utilise, en général, la main gauche pour éliminer des impuretés ou ce genre de choses. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فِي قَضَاءَ أَيْ في غير محل معد لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس. Donc ici il veut faire donc ses besoins dans un endroit autre que les endroits appropriés pour les faire, donc comme les toilettes par exemple, qu'il doit évidemment s'éloigner des gens pour le faire. Il ne fait pas devant les gens. Il doit s'éloigner des gens. بحيث يكون في مكان خال ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك. Dans le sens où il faut qu'il ait personne dans un endroit vide, où il n'y a personne, et pour être à l'abri des regards des gens Donc il se met à l'abri des regards des gens, hein, à l'aide d'un mur par exemple, ou d'un arbre, derrière un arbre, ou ce genre de choses. ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. Ça aussi, c'est parmi les comportements qu'on se fait de besoin, c'est le fait de ne pas faire face à la qibla, ni lui tourner le dos. Il ne faut pas que la qibla soit devant vous, ni derrière vous quand vous faites vos besoins. بل ينحرف عنها. D'accord, donc il sort de cet angle-là, d'accord, angle, c'est l'angle droit, hein, angle plat plutôt, il sort de cet angle-là, donc il prend une direction opposée. Il prend une direction autre que celle qui est face à la qibla ou qui est dos à la qibla. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. Pourquoi? Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم interdit de faire face à la qibla ou de tourner le dos à la qibla pendant que l'on fait ses besoins. Hein? D'accord? C'est bien précisé. Que pendant ce moment-là. Hein? À ce moment-là, il est interdit de se présenter face à la qibla ou de tourner le dos à la qibla. Lorsque l'on fait ses besoins, hein, suite à l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. وعليه أن يتحرز من الرشاش البول من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه. Aussi, parmi les comportements adoptés, il doit faire attention, hein, ne pas s'éclabousser à ce que l'urine ne s'éclabousse pas sur son corps ou sur ses habits. فيرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يتطير عليه شيء منه. OK, il faut prendre l'habitude de faire ses besoins dans un endroit d'une matière telle, d'un endroit mou, quelque chose comme ça, d'une matière telle que ça permettra d'éviter de se faire éclabousser, ça permettra aux éclaboussures de l'urine de toucher votre corps ou vos habits. ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه. وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم. OK, pareil, il est interdit de toucher donc ces parties génitales de la main droite, comme il est interdit de faire ses besoins sur les chemins qu'empruntent en général les gens, les chemins dont les gens ont l'habitude d'emprunter, que ce soit même dans les cours d'eau, etc., ce genre de choses, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, et il est évident que cela est, pourquoi? Parce que c'est nuisible, ces gens-là, d'accord? C'est genre dans les chemins où on a l'habitude de prendre, hein, parce qu'on voit où on habite ici, on est confronté à ça tous les jours, ça cause du mal aux passants, etc. Donc ces endroits-là, ce n'est pas les endroits qui sont faits pour faire ses besoins. ولا يدخل مواضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه القرآن فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول فيه به ويغطيه. Deuxième, un autre comportement aussi adopté, le fait de ne pas entrer dans ces endroits-là, les endroits où on fait ses besoins, avec des choses sur lesquelles il y a le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah ou du Coran, par exemple. Et si la peur de perdre ces choses, et s'il a peur de ces choses-là, de ces choses sur lesquelles il le rappelle d'Allah ou le Coran, il peut, à cette condition, hein, à condition d'avoir peur pour ces choses-là, il peut y entrer, mais il faut les couvrir. Il faut couvrir ces choses-là, il ne faut pas les laisser apparentes. ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة فقد ورد في الحديث أن الله ينقض على ذلك ويحرم عليه قراءة القرآن. Donc il aussi n'est pas convenable, il n'est pas autorisé de parler pendant que vous faites vos besoins. Car il a été rapporté dans un hadith authentique que le prophète, que Allah déteste cette chose-là. Et dans la même occasion aussi, il est forcément interdit de lire pendant que vous faites vos besoins, de lire de réciter du Coran. فيقول الشيخ فوزان حفظه الله فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامهما وإن جمع بينهما فهو أفضل وإن اتصل على أحدهما كفى. Donc il dit, une fois que vous avez terminé de faire vos besoins, donc il faut forcément nettoyer les orifices naturels. Les orifices naturels, comment? Donc avec, à l'aide de l'eau ou à l'aide de pierre ou ce qui remplace ces deux choses-là. Et s'il regroupe ces deux choses-là, donc il fait les deux, à la fois la pierre et l'eau, c'est meilleur. Et s'il n'en fait qu'une des deux, c'est suffisant. Donc minimum de l'eau ou la pierre, et mieux les deux. والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشين والخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه. D'accord. Et le fait de se nettoyer avec les pierres ou ce qui le remplace, comme les feuilles épaisses, hein, les papiers sont connus comme les papiers toilettes, et les serviettes et ce genre de choses, hein, on a le droit d'utiliser ces choses-là, toutes ces choses-là qui servent à donc nettoyer ces orifices naturels et à les essuyer. ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة. Donc il faut minimum 3, essuyer 3 fois. Avec 3 feuilles, ou 3 pierres, ou 3, etc. Par 3. Hein? Et s'il veut faire plus, il n'y a pas de mal. C'est mieux encore. Mais minimum 3 fois. ولا يجوز الاستجمار بالعظم ورجيع الدواب أي روثها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. Donc il est interdit de nettoyer ces orifices naturels donc avec les os ou les excréments secs forcément des animaux, parce que le prophète صلى الله عليه وسلم nous interdit de faire cela avec cela. وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه. Donc il dit Cheikh Fawzan Hafidhahu Allah, donc il doit faire disparaître complètement ces impuretés qui sont au niveau des orifices naturels pour que justement ces endroits restent purs, propres, pour qu'il ne reste aucune trace de ces impuretés à ce niveau-là sur notre corps. Et pour éviter aussi que ces impuretés se déplacent, hein, se déplacent dans un autre endroit de notre corps ou se déplacent carrément sur nos vêtements, qui viennent se coller aux vêtements. قال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء. Donc certains spécialistes dans la jurisprudence ont dit que le fait de se laver, d'allumer les orifices naturels avec de l'eau ou avec les pierres ou ce qui peut les remplacer, c'est une condition parmi les conditions de la validité des ablutions. Alors attention, faut pas comprendre que ça fait partie des ablutions, hein. Mais c'est une condition parmi les conditions de la validité des ablutions. La Bouddha a nous fait un mot. Donc il est impératif, si vous devez faire cette chose-là, donc nettoyer les orifices naturels, il faut que ce soit fait avant les ablutions. Ça ne veut pas dire qu'il est obligatoire. C'est à propos d'avoir l'ambition d'aller aux toilettes pour saver les orifices, non? Mais si vous devez le faire, il faut que ce soit fait avant les ablutions. C'est après, il donnera plus de détails sur ce sujet-là. Donc il faut que ce soit fait avant les ablutions. فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. D'accord? Dans cela, parce que si vous faites ça après, vous faites les ablutions par exemple, après vous passez laver les orifices, etc. Même si vous n'êtes pas allé à la salle, vous n'avez pas eu une histoire que voilà. Il peut y avoir des impuretés qui restent. Si vous faites ça après, là les ablutions seront annulées. D'accord? Les ablutions seront annulées selon le hadith al-Baghdad qui est unanimement reconnu authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nettoie sa partie génitale, après il fait les ablutions. Il nettoie sa partie génitale, ensuite il fait ses ablutions. قال النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره. D'accord. Donc النووي رحمه الله il a dit donc la sunna, donc c'est le fait de nettoyer les orifices naturels avant les ablutions pour sortir de la divergence. Apparemment il y a une divergence, donc pour être sûr de ne pas faire de mauvaises choses, faites-les avant les ablutions. Là il y a unanimité sur ça, sur le fait que c'est autorisé de faire avant. Donc, pour sortir de cette divergence, faites-le avant et pour être sûr que vos ablutions ne seront pas invalidées, ne seront pas nulles et vaines. أيها المسلم احرص على التنزه من البول فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عمت عذاب القبر منه. رواه الدارقطني قال الحافظ صحيح الإسناد وله شواهد وأصله في الصحيحين. Donc il s'adresse à nous, Cheikh Fawzan, il a eu un motif qui est soumis à Allah. Donc sois assidu, fais preuve d'attention à te purifier de l'urine. Car le fait de ne pas se purifier de l'urine font partie des choses qui ramènent le châtiment de la tombe. C'est des causes parmi les causes qui font que nous serons châtiés dans la tombe. Et il rapporte le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc purifiez-vous de vos. De l'urine, car la majorité des châtiments de la tombe, hein, c'est la cause de la majorité des châtiments de la tombe. Hein, le fait de ne pas se purifier de son urine, c'est la cause de la majorité des châtiments de la tombe. Et le hadith il est authentique. Ayyuha al-Muslim, inna kamal al-taharati yusahhilu al-qiyam bil-ibada wa yu'inu ala itmamiha wa ikmaliha. والقيام بمشروعاتها. Donc il dit ayyuha al-muslim, ou muslim, celui qui s'est soumis à Allah, le fait de parfaire ses ablutions, de parfaire la purification, ça nous facilite l'accomplissement des adorations. Le fait de parfaire ses ablutions facilite l'accomplissement des adorations. Elle nous aide, donc ses ablutions, si elles sont bien faites, parfaites, elle nous aide à les faire de la manière la plus complète, la plus parfaite. Et de la façon la plus légiférée. روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فَمَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ. Donc l'imam Ahmed, rahimahullah, il ramène un hadith, hein, au sujet d'un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui raconte, qui dit qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le sobh, hein, fait l'imam a prié le sobh, et dedans il a récité surat al-Rum. Il a récité surat al-Rum, فَوَهَمَا. Il était perturbé dans sa prière. Hein, il fait comme ça nous arrive, on ne sait pas quelle ayat, on ne sait pas en être en mémoire, ou on se trompe d'ayat, ça dit des ayats qui ressemblent, etc. Falam Sarafa, donc quand il a terminé, il a dit donc il nous arrive d'être perturbé dans la récitation du Coran. C'est impressionnant, dans le sens où l'état des gens qui sont derrière l'imam, ça a des conséquences sur l'imam même. Pourquoi? Parce qu'il dit il y a des gens parmi vous qui prient avec nous et qui ne savent pas faire leurs ablutions ou qui les font mal. D'accord? Donc celui qui vient faire la prière, qu'il fasse bien ses ablutions. Hein? Donc ça veut dire qu'il y a une relation entre l'état des gens qui sont derrière avec l'imam. Dans le sens où ce qui a perturbé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce cas-là, c'est le fait qu'une personne derrière lui, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, n'accomplissait pas bien ses ablutions. C'est ce qui a fait que ça l'a perturbé dans la récitation du Coran. C'est clair? Donc une personne qui vient faire salat, il faut qu'elle fasse bien ses ablutions. وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا إن نتبع الحجرة الماء رواه البزار. Donc Allah a fait l'éloge des gens qui fréquentaient la mosquée de Quba dans le Coran, lorsqu'il dit dans le sens du verset, donc ils s'y trouvent, donc dans la mosquée de Quba, des gens qui aiment se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Et lorsqu'ils ont été questionnés au sujet de cette purification, donc ils ont répondu, c'est dans là, ce à qui Allah a fait l'éloge, donc on faisait suivre donc la pierre par l'eau. Donc ils ne se contentaient pas de se purifier qu'une fois, mais ils se purifiaient, comme on l'a dit, deux fois. Donc avec la pierre dans un premier temps, ils faisaient suivre ça de l'eau pour une purification meilleure. وهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن بعض العوام أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة. Il y a une chose sur laquelle il faut prêter attention. Ils disent qu'il y a des gens parmi la masse des musulmans comme nous. Ils pensent que le fait de se laver les parties des orifices naturels, ça fait partie des ablutions. Dans le sens où, quand il veut, s'il veut faire les ablutions, même si ses orifices sont propres, il va quand même aux toilettes pour les nettoyer. Et après, il va faire ses ablutions, même si ses orifices sont propres. Et ça, il dit, c'est quoi la khada? Et ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. Wahada khada. Liana l'istinja'a laysa min al-wudu. Car le fait de laver les orifices naturels, ça ne fait pas partie des ablutions. C'est une chose indépendante. Si on a besoin de le faire avant de faire l'eau, on le fait. Si on n'a pas besoin de le faire et on doit faire l'eau, on ne doit pas aux toilettes spécialement pour se laver les orifices naturels pour ensuite faire l'eau. D'accord? On le fait uniquement quand on en a besoin. لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من شروطه. Donc il fait partie de ces conditions. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est des étapes qui sont avant l'eau, mais ça ne veut pas dire qu'ils font partie. Ils font partie de l'eau. كما سبق ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. D'accord. Donc il a dit le prophète عليه الصلاة. Il a dit le fait de nettoyer les orifices naturels, hein, ça se fait uniquement après avoir été aux toilettes. C'est ça, c'est ça le moment qui est légiféré pour le faire. Donc il est inutile de le répéter s'il n'y a aucune raison de le faire. Inutile de le répéter s'il n'y a aucune raison de le faire. En sorte que si vous êtes à la toilette, vous êtes avec les orifices, hein, 2 heures plus tard, vous avez perdu les ablutions entre deux par exemple, hein, un gaz par exemple, vous n'avez pas, c'est pas obligatoire d'aller aux toilettes. Vous n'allez pas aux toilettes pour nettoyer les orifices, d'accord. Ce qui est fait qu'on nettoie les orifices, c'est si on est sûr qu'il y a des impuretés à ce niveau-là, ou qu'on est allé à la selle, qu'on a uriné. Dans ces cas-là, effectivement, il faut le faire, d'accord. C'est les deux raisons qui font qu'on nettoie les orifices naturels. Ayyuha al-Muslim, hadha dinuna, dinu al-taharati wa al-nazafati wa al-nazaha, ata bi ahsani al-adabi wa akrami al-akhlaq. Ayyuha al-Muslim, il s'adresse aux musulmans, à ceux qui sont soumis à Allah, il dit telle est notre religion, la religion de la purification, de la pureté. Hein? Et c'est la religion qui vient avec le meilleur des comportements et les plus nobles des comportements. Il sawaba kullama yahtaju al-Muslim. Donc tout, elle nous a tout ramené, elle nous a tout donné, tout appris, tout ce dont le musulman a besoin. Wa kulluma yaslihu. D'accord. Donc notre religion nous a tout donné et tout ce qui nous est utile, et il n'a pas oublié, il n'a rien oublié qui est utile, qui sera bénéfique pour nous. فلله الحمد والمنة ونسأل الله الثبات على هذا الدين وتبصر في أحكامه والعمل بشرائعه مع الإخلاص لله في ذلك حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا. Et il dit que tous ses bienfaits reviennent, et ses louanges reviennent à Allah seul, et il demande à Allah de nous raffermir sur cette religion, et le fait d'apprendre les règles qui sont relatives à cette religion, et le fait d'appliquer ses enseignements et ses lois en ayant une intention pure pour Allah dans cela, pour avoir justement pour que nos actions soient authentiques, valables et acceptées. Thumma باب في السواك وخصال الفطرة. باب في السواك وخصال الفطرة. Donc nouveau chapitre, donc sur le siwak et khisal al-fitra, donc les caractéristiques de la saine prédisposition, la prédisposition sur laquelle Allah nous a créé. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. Rawahu Ahmed wa ghayruhu. Donc Aïcha radiallahu anha rapporte un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc le siwak est une purification pour la bouche et une satisfaction pour le Seigneur. Le hadith est rapporté par Ahmed et d'autres. Wa thabata fi sahihayn an Abi Hurayra radiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khamsun min al fitra. الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الغبط وتقليم الأظافر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique rapporté par Abi Huraira radhiyallahu anhu que cinq choses sont parties de la saine disposition. Al-fitra, ce qu'on appelle al-fitra, la chose sur laquelle on est né. Al-istihdad, c'est le fait de raser les poils du pubis, les poils qui sont autour des parties génitales. Wal-khitan, la circoncision. Qasu al-sharib, le fait de tailler une sache, le fait de raser les aisselles et le fait de se couper les ongles. Ces cinq choses-là font partie de la fitra, la saine prédisposition. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أحفو الشوارب وأعفو اللحى أحفو الشوارب وأعفو اللحى. Et donc dans les deux authentiques également, le hadith rapporté par Abdullah ibn Omar رضي الله عنهما, donc qui était élevé au niveau du prophète صلى الله عليه وسلم, donc أحفو الشوارب, donc taillez les moustaches et laissez pousser vos barbes, وأعفو اللحى, laissez pousser. من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية. Donc en déduit de ces hadiths qu'on vient d'entendre, les spécialistes donc de la jurisprudence en ont retiré les règles suivantes. فيقول الشافعي مشروعية السواك وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. Donc il dit le fait que l'utilisation du siwak est légiférée. Et c'est quoi le siwak? C'est le fait d'utiliser un morceau de bois ou ce qui ressemble pour nettoyer les dents et les gencives des mauvaises odeurs et des mauvaises couleurs, des couleurs qui seraient, ou des impuretés, des saletés qui seraient dessus. وقد ورد أنه من سنة المرسلين فأول من اشتكى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم أي منظف له بما يستكره وأنه مرضاة للرب أي يرضى الرب تبارك وتعالى يرضي الرب تبارك وتعالى. Donc il a été rapporté aussi que les soins fait partie des sunnah des messagers. Le premier à avoir utilisé le siwak, c'est Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, nous l'a dit dans le hadith qu'on a écouté tout à l'heure, que le siwak, c'est une purification pour la bouche, en sens où il la nettoie de ce qui est mauvais, et c'est une satisfaction pour le Seigneur, en sens où le Seigneur, Allah azza wa jalla, est satisfait lorsque l'on utilise le siwak. Wa qad warada fi bayanihi wal hathi alayhi akthar min 100 hadith. Il a été rapporté plus de 100 hadiths au sujet des bienfaits du siwak et de l'encouragement des hadiths qui nous poussent à l'utiliser, qui nous encouragent à l'utiliser. Mais il y a tout le monde à la sunnah mu'akkada. Donc s'il y a plus de 100 hadiths à ce sujet, ça prouve bien que c'est une des sunnahs les plus fortes. Le siwak est une des sunnahs les plus fortes. حث الشارع عليه ورغب فيه وله فوائد عظيمة. Donc le charia, Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a encouragé, nous a exhorté à utiliser le siwak, car il contient énormément de bénéfices et d'enseignements. من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. Et parmi les choses les plus importantes, en ce qui concerne ces bénéfices, ces avantages, c'est ce qu'on a entendu dans le hadith qu'on a évoqué tout à l'heure, qu'il était le siwak, donc une purification pour la bouche. En fait, ce hadith serait suffisant pour montrer les avantages du siwak, qu'il est une purification pour la bouche et une satisfaction pour le Seigneur. ويكون التسوق بعود لين من أراق أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم. Et comment, avec quoi on fait le siwak? Pourquoi on utilise le siwak? Avec un morceau de bois tendre. Avec un morceau de bois tendre qui peut être du harak. Harak, c'est une sorte d'arbre dans les pays du Golfe. Ou ça peut être aussi un olivier ou des branches de natte. Hein, donc c'est quelque chose de tendre. Hein, une chose en tous les cas qui ne s'émiette pas et qui ne blesse pas la bouche. Hein, c'est deux conditions. Tant que ça ne s'émiette pas. Et ça ne laisse pas la bouche, vous pouvez l'utiliser comme si, ouais, que ce soit des branches de date ou des branches d'olivier ou des branches de l'arbre arak. ويسم السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح. Donc il est sunnah d'utiliser le siwak à tout moment, même pour celui qui jeûne. Hein, le siwak naturel, attention, pas le siwak qui ont des goûts là, qui font maintenant citron, ce genre de choses là. Là, là, ça c'est autorisé pendant le jeûne du mois Ramadan ou pendant celui qui jeûne, que ce soit Ramadan ou autre. Hein, par contre, on parle du siwak naturel. Là, on parle du siwak naturel. Donc, il est autorisé de, même pour celui qui jeûne, il est autorisé d'utiliser le siwak, hein, selon l'avis le plus fort des savants. وَيَتَأَكَّدُوا فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصًا. Et il est encore plus recommandé, il est recommandé de façon générale, mais encore plus à des moments particuliers. Encore plus à des moments particuliers. فَيَتَأَكَّدُوا عِنْدَ الْوُضُوء لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ. Donc en particulier au moment de faire ses ablutions, selon la parole du prophète عليه السلام, qui dit: Si je ne voulais pas faire porter un lourd fardeau à ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak à chaque ablution. Fal hadith yadullu ala ta'akkud istihbab as-siwak 'inda al-wudu wa yakun dhalika hala al-marmada. Wa yakun dhalika hala al-marmada li anna dhalika ablagh fi al-inqa'i wa at-tandif al-fami. Donc Cheikh Fawzan Hafidhahullah dit, donc ce hadith, hein, montre clairement donc l'importance encore plus grande de l'utilisation du siwak, la recommandation d'utiliser le siwak au moment de faire les ablutions. Et quand est-ce qu'on le fait? Au moment de l'marmada, on se fait passer de l'eau dans la bouche, hein, de la joue gauche, de la joue droite à la joue gauche. Hein, c'est à ce moment-là qu'on utilise le siwak, car c'est plus logique, c'est le meilleur moment pour purifier la bouche. Oui, et après le siwak, au Rayman, عند الصلاة فرضا أو نفلا. لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. Il ramène un autre moment où il est encore particulièrement sunnah d'utiliser le siwak, c'est au moment avant de faire la prière, qu'elle soit obligatoire ou semi-obligatoire. Car il dit, Cheikh Fawzan, lorsque nous voulons nous rapprocher d'Allah, de nous présenter de la meilleure des façons. Lorsque nous rapprochons d'Allah par une adoration, il nous a été ordonné de nous présenter de la meilleure des façons. ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من النوم الليل من نوم الليل أو نوم النهار. Il est aussi recommandé particulièrement d'utiliser le siwak lorsqu'on se réveille du sommeil, que ce soit la nuit ou la journée. لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشص فاه بالسواك والشوص الدلك. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il se levait la nuit, il frottait ses dents et ses gencives avec le siwak. Donc le fait chaussou, c'est le fait d'alcool, donc c'est le fait de frotter. وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّوْمَ تَتَغَيَّرْ مَعَهُ رَائِحَةُ الْفَمِ. Et pour quelle raison? Parce que la laine, vous savez, quand on dort, la laine, elle change. La laine change, donc elle devient plus mauvaise. لِتَصَعُدِ أَقْوَرَةِ الْمَعِدَّةِ وَالسِّوَاكِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُنَظِّفُ الْفَمَ مِنْ أَثَرِهَا. Donc, en raison de remontées gastriques et intestinales, etc. Hein? Et le siwak donc est là pour purifier toutes ces mauvaises odeurs et toutes les conséquences de ces mauvaises odeurs. ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره. Et ça de façon générale, donc aussi il est autorisé, donc recommandé, plus fortement recommandé, d'utiliser le siwak lorsque la laine donc se transforme suite à après avoir mangé ou autre. ويتأكد أيضا عند قراءة القرآن. Encore plus, il est recommandé encore plus spécialement d'utiliser le siwak avant la lecture du Coran. لتنظيف الفم وتطيبه لتلاوة كلام الله عز وجل. Et pour quelle raison? Donc pour purifier sa bouche, hein, et la parfumer pour la lecture des versets de la parole d'Allah عز وجل. وصفة تسوقي أن يمر المسواك على لثته وأسنانه. فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر ويمسك المسواك بيده اليسرى. Cheikh Fawzan Hafidhahullah dit, et comment utiliser le siwak? Donc c'est le fait de prendre donc le bâton et le faire passer sur ses dents et gencives en commençant par le côté droit, hein, de la droite vers la gauche. Hein, Cheikh Fawzan, il dit que il faut utiliser le siwak dans ces moments-là de la main gauche. Hein, on fait ça de la main gauche, donc de la main gauche, du côté droit de la bouche au côté gauche, en passant sur les dents et les gencives. ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث. Donc là, il passe sur un autre, d'autres sujets. Donc parmi les autres, les caractéristiques propres à notre religion de droiture, donc ce qu'on a vu, les caractéristiques de la fitra, de la saine prédisposition, hein, dont nous avons évoqué les cinq cas dans le hadith tout à l'heure. وسميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد. Pourquoi elles ont été nommées caractéristiques? Pourquoi ils ont été nommés caractéristiques de la fitra, donc la saine prédisposition? Parce que celui qui les fait, donc qui ne néglige pas ces cinq choses-là, il se caractérise par la saine prédisposition sur laquelle Allah nous a créé les serviteurs. Hein, sur ces choses-là qu'Allah nous a créées. Il ne change pas ces choses-là en fait. وحثهم عليها. Et il les a encouragés à les faire, ces cinq choses-là. واستحبها لهم. D'accord, donc il leur a recommandé de le faire. ليكونوا على أكمل صفات وأشرفها. Pour être de la meilleure, pour paraître de la meilleure des façons. Et de la manière, pour paraître aussi de la manière la plus noble. وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة. Hein, et aussi pour être de la plus belle des manières et pour paraître aussi sur la meilleure de la création sur laquelle Allah nous a créé. وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع وهذه الخصال هي. Donc ça c'est une sunna ancienne. C'est une sunna ancienne que les messagers ont choisi et sur lesquelles toutes les législations antérieures et aujourd'hui dans le Coran et l'Islam Sunna sont d'accord. Il y a unanimité à ce niveau-là dans toutes les législations qui proviennent d'Allah. Et ces cinq caractéristiques sont: أولاً الاستحداد وهو حلق العانة وهي الشعر النابت حول الفرج سمي استحدادا لاستعمال الحديد فيه وهي الموسى وفي إزالته تجميل ونظافة فيزيله بما شاء من حلق أو غيره. Donc l'istihdad, donc c'est le fait de raser les poils du pubis, les poils qui poussent autour des parties génitales. Ça c'est ça. Wa haq al'ana, donc le fait de raser les poils du pubis, ce sont les poils qui poussent autour des parties génitales. Et ils ont été nommés istihdadan car on utilise le hadida. En arabe ça rend, en français il n'y a pas d'équivalent. Le hadida, donc qu'on entend dans l'istihdad, donc c'est fait d'utiliser une lame ou quelque chose comme ça, quelque chose en fer. D'accord, métallique. Et ici c'est le rasoir. Et il dit quoi, le cheikh Fawzan, il dit dans le fait d'enlever ces poils là, hein, c'est un embellissement et une purification également. Donc il les enlève avec ce qu'il veut, hein, parmi les choses qui rase, hein, que ce soit un rasoir, un tondeuse, ce qu'il veut, mais il faut qu'il le fasse. Thaniyan, donc deuxième caractéristique de la fitra, el khitan, la circoncision. On va pas dire beaucoup disent le baptême. Le baptême c'est de terminologie chrétienne ça. Hein, c'est le khitan, on dit la circoncision. Le baptême c'est pour les chrétiens. Donc le khitan, وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة ويكون زمن الصغر لأنه أسرع برأً ولينش الصغير على أكمل الأحوال. Donc il dit le khitan, donc la circoncision, donc c'est le fait d'enlever le prépuce, donc c'est la peau qui couvre le gland de telle sorte à ce qu'il apparaisse. Et il faut faire ça quand on est en bas âge. Il faut faire ça quand on est en bas âge. Hein, car pourquoi? Parce que ça guérit plus vite, la guérison elle sera plus rapide. Et pour que l'enfant, cette personne qui passe en bas âge, elle sera plus rapidement dans le meilleur des états en termes de propreté. ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحنقة متحقنة في القلفة وغير ذلك من الفوائد. Et parmi les sagesses, donc de la circoncision, le fait de purifier donc ces parties génitales de toutes les impuretés qui s'accumulent, hein, dans le prépuce, donc dans la peau qui couvre le gland. Et autre chose parmi les bénéfices. ثالثا قص الشارب وإعفاؤه وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. Donc le fait de tailler la moustache de façon pas excessive mais bien taillée, c'est le chef cousin qui parle, hein? Donc bien tailler fortement ses moustaches et il réside dans ça, donc le fait de tailler fortement ses moustaches, hein, un embellissement aussi, et une propreté, une purification, et aussi le fait de diverger des mécrans, le fait de se comporter de façon différente des mécréants. وقد وردت الحديث في الحث على قصه وإحفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها. Il a été rapporté beaucoup de hadiths qui nous enjoignent, qui nous encouragent, qui nous exhortent à tailler de façon forte nos moustaches et le fait de laisser pousser les barbes et d'honorer le barbe. لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. Pourquoi? Dans le fait de laisser pousser sa barbe, il y a des signes de beauté et apparaît aussi les signes de la masculinité. Les signes de la masculinité. S'il y a bien une différence entre les hommes et les femmes, c'est la barbe. Donc le fait de laisser pousser sa barbe, ça apparaît, ça embellit déjà la personne et en plus elle fait apparaître les signes de sa masculinité. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونها أو يحسرونها في نطاق ضيق. Il dit aujourd'hui les gens ils ont fait les choses à l'envers. Malheureusement, ils laissent leur moustache abondante et ils rasent leur barbe. Ils rasent leur barbe. Il y en a qui vont même la échirper, il y en a qui la taillent ou qui la font sur des je ne suis pas spécialiste, mais qui font des très fins, etc. Qui font des dessins avec, etc. D'accord? Et إمعان في المخالفة لهذه النبوي لهذه النبوي. Et ça les éloigne de la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. Ça nous éloigne de la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. وتقليدا لأعداء الله ورسوله. Et on suit, quand on fait ça, on rase sa barbe, on laisse un moustache comme ça de façon abondante, c'est imiter malheureusement les ennemis d'Allah et de son messager عليه الصلاة والسلام. ونزلا عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفالة حتى صدق عليهم قول الشاعر. Donc, quand on fait ça, on délaisse les signes de la virilité et de la masculinité pour la bassesse et les caractéristiques des femmes. Jusqu'à ces personnes-là tombent sous les vers suivants du poète qui dit يُخْضَ عَلَى الْمَرْءِ فِي أَيَّامِ مِحْنَتِهِ حَتَّى يَرَى حَسَنًا مَا لَيْسَ بِالْحَسَنِ. Les jours d'épreuve, les jours des épreuves, les périodes de troubles ont des conséquences sur les hommes, à tel point qu'il considère bien ce qui ne l'est pas. À tel point qu'il considère bien ce qui ne l'est pas. وقول آخر donc un autre poète dit ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب. Donc il n'y a pas d'étonnant à ce que les femmes deviennent des hommes. Mais ce qui est plus encore étonnant, c'est que le fait que les hommes ressemblent à des femmes. رابعا ومن خصال الفطرة تقليم الأظافر وهو قطعها بحيث لا تترك تطول. Quatrième point, donc parmi les caractéristiques de la fitra, la saine prédisposition, le fait de couper ses ongles, le fait de tailler, de couper, de limer ses ongles, dans le sens où il ne faut pas les laisser grandir. لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراقم تحتها. Pourquoi? Donc, le fait de couper ses ongles, c'est aussi un signe d'embellissement et c'est aussi enlève les impuretés qui s'accumulent dessous. والبعد عن مشابهة السباع البهيمية. والبعد عن مشابهة السباع البهيمية. Donc, au fait, aussi on s'éloigne quand on fait ça, on coupe ses ongles, on se différencie aussi des animaux qui ont des grandes griffes, comme les lions, les tigres, etc. وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المتخنفس والنساء الهجميات فصاروا يطيلون أظافرهم مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإمعان في التقليد الأعمى. Donc, malheureusement, aujourd'hui, de nos jours, donc les jeunes et les femmes qui ont des comportements, c'est-à-dire sauvages et égarés, etc. Font le contraire également. Ils laissent pousser leurs ongles, et en faisant ainsi, ils se mettent en divergence avec la voix du prophète, alayhi salatu wassalam, et ils ne font que copier et imiter et suivre aveuglément les personnes qui ne sont pas de notre religion. Inch'Allah, on va arrêter là. Donc c'était en 2004, ce sera la cinquième la prochaine fois. Juste un petit rappel, Inch'Allah, par rapport au dernier cours, on a déjà à Janaba. Quand je disais que c'était Janaba, c'était une impureté suite à des rapports sexuels, c'était un titre d'exemple. Il n'y a pas que les rapports sexuels qui fait qu'on est en état de Janaba, bien sûr. D'accord ? Il n'y a pas que ça qui fait qu'on est en état de Janaba, par exemple. Faites un rêve érotique, éjaculation. Vous êtes en état de Janaba, pourtant il n'y a pas de rapport. D'accord ? Donc quand je disais Janaba suite à des rapports sexuels, c'était un titre d'exemple. Donc ce genre d'impureté qui font qu'on devait faire les plus grandes ablutions. Voilà, c'est une petite précision, parce qu'apparemment, il y a des frères qui avaient mal compris, qui pensaient que le djanaba c'était que cette chose-là. Il y a, bien sûr, il y a d'autres cas de djanaba, la kulham, donc voilà, la précision est faite. Et là, dans ce cas-là, il y a un sept, fait au sous le salata, wa azakmullah khara, shirsi ma'akum, subhanakum wa hamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. C'était 19 ans, c'est ça, hein? Thank you.